la paire. Ce qui compte pour être bien chez soi, plus que d'être une adepte de tuto. Mais il y a un problème là. Ou un bricoleur du dimanche. Non. C'est surtout d'être bien accompagné. C'est beaucoup mieux. Merci. Ce qui compte, c'est d'être bien chez soi. Et pour ça, vous pouvez compter sur nous. Pour vous aider, confiez la pose de vos produits à nos artisans qualifiés. La paire, la qualité réservée à tous. Conditions sur lapaire.fr. En partant aux États-Unis, Alexis de Tocqueville n'a pas qu'une seule intuition. Celle que la démocratie est inéluctable, que personne ne pourra y échapper. Il a aussi le sentiment que la démocratie n'est pas synonyme de liberté, bien au contraire. Mais entre le début des années 1830, date de son voyage outre-Atlantique, et la publication de sa démocratie en Amérique, en 1835 et en 1840, sa crainte s'est quelque peu métamorphosée. Désormais, ce qu'Alexis de Tocqueville redoute, ce n'est pas une autre révolution hantée par le spectre de la terreur, mais l'exact opposé, soit l'absence de toute passion politique, le sommeil de la liberté, l'apathie générée par l'égalité. Et pire que tout, un État tout puissant auquel chaque individu noyé dans la masse s'abandonnerait sans aucune résistance. Mais même quand la démocratie tombe dans le despotisme, est-ce là la fin de son règne ou une démonstration de sa puissance? Aujourd'hui, de la démocratie en Amérique, volume 2, quatrième et dernière partie. Je pense que Tocqueville est, dans la première moitié du 19e siècle, le seul qui a défini la société moderne comme démocratique et le seul qui ait considéré que ce qui différencierait les différentes espèces de sociétés modernes, ce serait la nature de leur gouvernement. En d'autres termes, Tocqueville, typique représentant de la pensée française, ne nie nullement l'importance des facteurs économiques, comme on dit. Il ne nie pas l'importance de l'industrie, mais il pense que toutes les sociétés seront commerciales, industrielles, tendront à développer le bien-être, comporteront un effacement progressif des différences de classe ou d'État. Mais il pense que certaines de ces sociétés seront gouvernées de manière despotique et d'autres de manière libérale. Et il ne se pouvait pas qu'à notre époque, au milieu du XXe siècle, on ne trouvât point que Tocqueville était d'une certaine façon le prophète du monde dans lequel nous vivons, puisqu'effectivement, toutes les sociétés modernes sont industrielles. Toutes les sociétés modernes tentent à être démocratiques en un certain sens de ce mot. Mais dans certaines d'entre elles, il ne subsiste que des sujets, et dans d'autres, survivent des citoyens. Bonjour Françoise Mélogneau. Bonjour. Vous êtes professeure émérite de littérature à Sorbonne Université, vous êtes secrétaire scientifique de commission de publication des œuvres de Tocqueville, spécialiste en histoire politique et histoire des idées, et l'on vous doit plusieurs ouvrages sur Tocqueville, notamment l'abécédaire d'Alexis de Tocqueville que vous avez coécrit avec Charlotte Manzini pour les éditions de l'Observatoire, Alexis de Tocqueville, paru aux éditions de l'Institut français, ou enfin Tocqueville et les Français, paru aux éditions Aubier. Alors j'imagine que vous l'avez reconnu, puisque vous étiez venu il y a quelques semaines nous en parler, c'était la voix de Raymond Aron, dans une archive du 7 février 1963, Portrait Souvenir, ORTF, archive dans laquelle Raymond Aron nous dit que Tocqueville est un prophète. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que Tocqueville est véritablement un prophète, et notamment sur ce despotisme qui plane sur nos démocraties? Alors juste une petite précision, j'étais secrétaire scientifique de la commission de publication des œuvres de Tocqueville, mais on a fini la publication des œuvres complètes de Tocqueville en juin, et donc je n'ai plus à exercer cette fonction. Mais bon, je l'ai quand même noté, et voilà, on pourra mettre sur notre site justement ces œuvres complètes, qui sont volume 17. C'est la fin de toute la publication de la correspondance, et c'est important parce que ce que je vais essayer de montrer, c'est que les lettres, c'est un peu les archives de la pensée de Tocqueville. Hein, c'est quelqu'un qui est très immergé dans son temps. Alors pour en revenir à la question du prophétisme. Bon, d'une part, Tocqueville n'est pas celui qui prétend le plus être prophète dans le 19e siècle, dans lequel c'est une véritable manie de se présenter comme un prophète. Hein, c'est, je dirais que tous les grands écrivains du temps, que ce soit Hugo, Chateaubriand, etc., se présentent comme des prophètes. Lui se présente plus rarement comme un prophète parce que il considère que nous n'avons jamais que des probabilités sur l'avenir. que l'avenir est obscur. Et donc, quand on prophétise, il faut prophétiser plusieurs choses possibles. Donc, c'est déjà un prophète un petit peu particulier. Un petit peu contrarié. Un peu contrarié. Ce qui est sûr, c'est que parce qu'il a pensé que nous étions dans des sociétés égalitaires, pour longtemps, sinon pour toujours, il nous est plus proche de nous que ne le sont Montesquieu ou Benjamin Constant, qui pensent encore à l'intérieur d'une société hiérarchique. Et donc sa question, et là Raymond Aron est sans doute celui qui l'a mis le plus en valeur, sa question c'est vraiment, dans ces sociétés démocratiques dans lesquelles nous vivons, quelle peut être la place de la liberté ? Sachant que, contrairement à ce qu'on entend dire parfois, la liberté et l'égalité ne sont pas des vases communicants, c'est-à-dire qu'on n'a pas moins de liberté si on est plus égaux ou plus de... Enfin, vous voyez, c'est pas contradictoire. Hein. L'égalité pousse chacun au désir de l'indépendance et de la liberté. Simplement, elle pousse aussi, et peut-être davantage, par un chemin plus secret, vers la servitude. Et donc le prophétisme de Tocqueville, c'est de nous avoir alertés sur les risques que nous constatons tous. Et que comporte donc précisément l'égalité. Parce qu'effectivement, il ne faut pas opposer liberté et égalité, mais c'est quand même une chose qu'on peut lire dans de la démocratie en Amérique, cette concurrence, c'est-à-dire que les individus démocratiques vont avoir tendance à préférer l'égalité à la liberté. Il a quand même un texte très fort où il dit « Je pense que les peuples démocratiques ont un goût naturel pour la liberté, livrés à eux-mêmes, ils la cherchent, ils l'aiment, mais ils ont pour l'égalité une passion ardente, insatiable, éternelle, invincible. Ils veulent l'égalité dans la liberté et s'ils ne peuvent l'obtenir, ils la veulent encore dans l'esclavage. » Oui, tout à fait. Il y a une préférence pour l'égalité et qui est d'autant plus grande que les Lumières ne sont pas suffisamment répandues. C'est pour ça que Tocqueville se pense vraiment comme un éducateur de la démocratie. Il y a un art de la liberté et qui va pouvoir s'acquérir dans les livres éventuellement, mais enfin surtout dans la pratique. Et donc sa pensée, c'est de savoir comment, par les institutions, l'organisation sociale, etc., on peut arriver à créer une liberté démocratique. Au fond, et cette quatrième partie dont nous allons parler, elle s'ouvre et elle se ferme sur l'idée qu'il y a une liberté possible dans les démocraties et que c'est aux hommes de choisir. L'idée. Ils sont libres d'être libres. Ils sont libres d'être libres. Et donc, s'ils sont esclaves, d'une certaine façon, c'est une servitude volontaire. Même s'il y a évidemment des gens au pouvoir qui sont bien contents de réduire les autres à la servitude. Mais il y a toujours une responsabilité humaine. Il dit, enfin, ayons cette confiance dans l'avenir. Vous voyez, donc, par rapport à toute cette attitude qui existe, par exemple chez Zingobino, enfin, nous sommes perdus, nous allons vers. Il y a au contraire chez Tocqueville, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est un homme politique et pas seulement un penseur. Il y a l'idée qu'on peut maintenir la liberté, et même non seulement la maintenir, mais par rapport à l'État aristocratique, on peut l'étendre à tous les individus, puisque dans les aristocraties, comme l'explique Tocqueville, les grands individus sont plus libres que dans les démocraties, mais quantité de gens ne sont pas libres du tout. Et donc l'enjeu, c'est d'étendre la liberté à l'ensemble d'une population. Et effectivement, vous le dites bien, Françoise Mélogneau, l'idée c'est d'étendre et non pas de concentrer le pouvoir. On va écouter un premier texte issu de cette quatrième partie de La démocratie en Amérique, volume 2, texte dans lequel Tocqueville pointe bien ce problème de la centralisation des pouvoirs. Si tous les peuples démocratiques sont entraînés instinctivement vers la centralisation des pouvoirs, ils y tendent d'une manière inégale. Cela dépend des circonstances particulières qui peuvent développer ou restreindre les effets naturels de l'état social. Chez les hommes qui ont longtemps vécu libres avant de devenir égaux, les instincts que la liberté avait donnés combattent jusqu'à un certain point les penchants que suggère l'égalité. Et bien que parmi eux le pouvoir central accroisse ses privilèges, les particuliers n'y perdent jamais entièrement leur indépendance. Mais quand l'égalité vient à se développer chez un peuple qui n'a jamais connu, ou qui ne connaît plus depuis longtemps la liberté, ainsi que cela se voit sur le continent de l'Europe, les anciennes habitudes de la nation arrivant à se combiner subitement et par une sorte d'attraction naturelle avec les habitudes et les doctrines nouvelles que fait naître l'État social, tous les pouvoirs semblent accourir d'eux-mêmes vers le centre. Ils s'y accumulent avec une rapidité surprenante. Et l'État atteint tout d'un coup les extrêmes limites de sa force. Tandis que les particuliers se laissent tomber en un moment jusqu'au dernier degré de la faiblesse. Il ne faut ni louer ni blâmer Napoléon d'avoir concentré dans ses seules mains presque tous les pouvoirs administratifs. Car après la brusque disparition de la noblesse et de la haute bourgeoisie, ses pouvoirs lui arrivaient d'eux-mêmes. Il lui eût été presque aussi difficile de les repousser que de les prendre. France Culture, les chemins de la philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. C'était un extrait de La démocratie en Amérique d'Alexis Tocqueville, bien sûr, volume 2, quatrième partie, chapitre 4, de quelques causes particulières et accidentelles qui achèvent de porter un peuple démocratique à centraliser le pouvoir ou qu'il en détourne. C'est un titre très long de chapitre, mais au moins l'idée centrale est extrêmement bien exprimée. Françoise Mélogneau, avant d'entrer dans le vif du sujet, dans le vif de ce texte qu'on a entendu interpréter par François Raison, j'aimerais savoir quel est le statut de cette quatrième et dernière partie de La démocratie en Amérique, où il sort complètement en fait de la tonalité de ce second volume sur les mœurs, les sentiments démocratiques et les idées démocratiques, pour vraiment, c'est presque un essai à part entière en fait, cette quatrième partie, une sorte de condensé et d'engagement, d'essai de tribune pour pousser les hommes à rester en alerte. Oui, c'est ce qu'il appelle le côté politique de son ouvrage, et on peut s'étonner de cette quatrième partie, parce que après tout, en 1835, Tocqueville avait traité de toute la société politique dans les démocraties. Et il avait annoncé que désormais, il s'occuperait des idées, des sentiments et des mœurs. Donc cette quatrième partie, elle n'aurait pas dû être là. Et d'ailleurs, dans ses premiers plans, elle n'est pas là. Donc on peut se demander pourquoi il éprouve le besoin, de revenir sur ses pas, non seulement revenir sur les chapitres précédents, mais même revenir sur ce qu'il a dit en 1835. Et c'est ce qu'on voit ici. Lorsqu'il parle des hommes qui ont longtemps vécu libres avant de devenir égaux, ce sont les Américains. C'est ce qu'il a expliqué en 1835. Et tout d'un coup, il explique qu'il y a des causes particulières et accidentelles, et donc il va falloir penser autrement le despotisme démocratique. Et pourquoi ? Parce que tout le continent européen offre une figure du despotisme démocratique qui n'est pas celle qu'il avait redoutée en 1835. Donc, voyons, en fait, il dit ici que ce sont des causes particulières et accidentelles, mais d'une certaine façon, les États-Unis, c'était aussi une cause particulière et accidentelle. Oui, chaque pays a sa propre histoire. Chaque pays a sa propre histoire. Et donc, il faut qu'il réécrive. Et c'est tout à fait typique de la façon de penser de Tocqueville, en fait. Et Claude Faure, qui est un des grands interprètes de la pensée de Tocqueville, dit, je le cite, « Tocqueville n'a pas seulement l'art des contrastes, il a l'art de surprendre par des renversements de perspectives qui dérobent des vérités qu'on croyait fermement établies. » Et effectivement, Tocqueville a toujours les mêmes questions, Aron le dit bien, mais il va élaborer des réponses différentes. Et ça se voit dans ses manuscrits, dans son style de pensée. Quand il écrit, il prend d'abord des notes, il garde toutes les lettres qu'il envoie, qui sont la trace de ses pensées et de ses dialogues avec ses amis. Ensuite, il écrit sur une colonne, ce qui se faisait souvent à l'époque. Il corrige sur la colonne de gauche. Il recopie l'ensemble en intégrant les corrections. Et puis, il se refait des objections. Non, ça n'est pas tout à fait juste. Oui, il faudrait penser autrement. Mais un tel m'a dit autre chose. Et puis, voilà un fait qui va contre. Et il intègre ses objections au corps du texte. Il intègre ses objections. Ou il les met à la fin. Non, il change complètement son texte pour tenir compte des objections. Sainte-Beuve le dit très justement. Il dit, il se pourpensait. En fait, il souffrait en pensant, si vous voulez, en intégrant les objections des autres et les siennes propres. Et donc, on a un style de pensée qui est dialogique. C'est-à-dire qu'il dialogue non seulement avec elle-même, mais aussi avec ce que lui disent les contemporains, avec ce qu'il observe, etc. Et c'est pour cela, parce qu'il a observé des faits nouveaux, parce qu'il a rencontré d'autres gens, qu'il faut qu'il réécrive, en fait, ce qu'il a dit du despotisme démocratique et qu'il dise autre chose. Parce que l'Europe, c'est différent. Alors, première chose quand même, Françoise Mélogneau, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette expression de despotisme démocratique qui n'est pas une expression évidente? On voit bien ce qu'elle désigne, mais ce terme de despotisme est très peu employé de nos jours. Et puis, on a quand même l'impression que c'est un oxymore, c'est-à-dire que despotisme et démocratie, ça ne va pas ensemble. Alors, on a vu l'alternative que Aron dessinait à partir de Tocqueville en disant la démocratie, c'est d'abord l'égalité, donc ça ne veut pas dire que c'est l'égalité forcément libre, mais ça peut être aussi l'égalité servile, mais quand même, ça paraît une aberration. Oui, alors, Tocqueville dit d'ailleurs, au fond, il y a plusieurs sortes de despotisme démocratique, et pour ce que je veux dire, il n'existe aucun terme. Parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelait despotisme sous l'Antiquité ou même encore sous l'Ancien Régime. Donc il a le sentiment de toucher à quelque chose de radicalement nouveau, qu'il va falloir pas seulement désigner, mais qu'il va falloir faire voir. Mais il y a plusieurs formes. Il y a celle qu'il avait décrite dans la première partie, qui porte sur les démocraties, notamment telles qu'il les avait vues aux États-Unis. Et puis il y a ce qu'il va découvrir, en fait, entre 1835 et 1840. Et alors, en exerçant justement, en étant sur le terrain ou en rassemblant ses notes ? Alors, les deux. En fait, il ne sépare absolument jamais l'activité de lecture. Il lit énormément, y compris beaucoup de philosophie classique, et puis l'action sur le terrain. Et pour moi, c'est un des points fondamentaux. Qu'est-ce qu'il découvre, en fait, entre 35 et 40? Donc, il veut à la fois être député au niveau national et il veut être élu local. Député au niveau national, donc il se présente en 37, il se fait battre. Heureusement pour nous, sinon il aurait bâclé la fin de la démocratie en Amérique, on n'aurait peut-être pas de quatrième parti. Et il finit par être élu en 39. Et qu'est-ce qu'il voit en rentrant dans la vie politique? Ce qu'il voit, c'est qu'il n'y a pas grand risque de révolution. Ce qu'il craignait au début. Mais en fait, la France ne prend pas le chemin, imagine-t-il, parce que bon, là, il s'est trompé, il y en aura quand même eu dans 48, mais ne prend pas le chemin d'une révolution. En revanche, ce qu'il voit, c'est un gouvernement conservateur, celui de Guizot, qui, en permanence, brandit la menace des révolutions pour empêcher que les citoyens s'agitent ou se mêlent de leurs affaires. Et là, du coup, le risque est totalement différent. En 1835, on allait chercher aux États-Unis une démocratie paisible. En 1840, et je le cite, quelle est sa grande crainte ? Une nation qui ne demande à son gouvernement que le maintien de l'ordre est déjà esclave au fond de son cœur. Ce qui résonne avec finalement une période tout à fait actuelle. Tout à fait. C'est-à-dire que finalement, le seul souci de la sécurité est un souci qui conduit à renoncer à ce que sont les prérogatives naturelles des citoyens, qui est de se mêler de leurs propres affaires. Et donc toute cette quatrième partie, elle est écrite pour lutter contre ce qu'il appelle l'amour désordonné de l'ordre. Et c'est là qu'il va discerner un despotisme nouveau, ce despotisme alors démocratique qu'il appelle aussi, parce qu'il a beau dire qu'on peut pas le nommer, il le nomme quand même. Il appelle ça en fait un despotisme administratif, qui va être la centralisation. Et qui évidemment ne concernait pas les États-Unis, parce que pour être décentralisé, il faut avoir été centralisé d'abord, ce qui n'est pas le cas des États-Unis. Donc on est véritablement dans une question qui est nouvelle, concerne la France, qui concerne, dit-il, le continent européen. Il connaissait un petit peu l'Italie, il connaissait encore très mal l'Allemagne. C'est un énorme trou dans sa culture, alors que c'est tellement important l'Allemagne au XIXe siècle. Il va apprendre l'allemand à plus de 50 ans pour aller voir ce qui se passe là-bas, tellement il pense que le continent européen a les mêmes problèmes. Et c'est donc sa quatrième partie, qui n'était pas prévue, qui découvre, en voyant la vie politique de la monarchie de Juillet, va être autour de cette question, comment peut-on avoir un ordre qui soit un ordre despotique ? Donc ce qui veut dire que ce que craint Tocqueville désormais, ce n'est plus vraiment les révolutions, c'est-à-dire le déchaînement de la liberté, des passions violentes, mais le contraire, donc l'endormissement, l'apathie, le sommeil des passions politiques, mais ce qui veut dire aussi qu'il ne craint pas, comme on l'a entendu dans ce texte, que le pouvoir soit le pouvoir d'un seul. C'est-à-dire que Napoléon presque est presque, comment dire, diminué, en fait, dans sa puissance. Il a juste, hérité d'un pouvoir qui déjà tendait à la centralisation. Oui, alors, bon, il n'est pas diminué dans sa puissance parce que il augmente le mal, si je puis dire. C'est une position de Tocqueville est très hostile à Napoléon. Quand il rentre à l'Académie française, il fait un grand discours en 1842 qui reprend ces idées-là et qui est un discours entièrement pour montrer que Napoléon n'a eu que le génie de profiter au maximum des circonstances. Au fond, qu'est-ce qu'il nous dit déjà dans ce texte ? C'est ce qu'il développera comme historien plus tard. C'est l'idée que dans toute l'Europe, finalement, la monarchie sous ses diverses formes, hein, dans les différents pays, a donné l'habitude de dépendre d'un pouvoir central. Et par conséquent, si vous voulez, il n'y a pas d'apprentissage de la liberté. La liberté, elle existe chez certains, chez les grands aristocrates. Hein. Elle existe chez certains magistrats. Elle existe chez les philosophes des Lumières. Mais au fond, c'est une liberté qui n'a pas d'expérience pratique. Et donc, l'objectif, si vous voulez, ça va être de faire changer en quelque sorte, la tradition continentale. Mais comment faire changer une culture qui est si imprégnée en Europe ? C'est-à-dire que si il y a des idées de la liberté, mais non pas une pratique de la liberté, comment pouvoir non seulement étendre cette idée, mais aussi la rendre praticable, notamment après la Révolution, qui a été un moment de liberté politique, mais en fait, où on a vu d'ailleurs le dépérissement de l'État, des hiérarchies, et en fait, à laisser la place petit à petit à de nouvelles hiérarchies et à un nouvel État. Comment changer une tradition en allant doucement ? La réponse, c'est que il faut progressivement donner des habitudes différentes. Il y a une pièce de théâtre à la fin du 19e siècle intitulée Le monde où l'on s'ennuie, où on fait tenir à... Il y a une petite sous-préfète assez stupide, et qui fait tenir à Tocqueville le propos que, en fait, il faut toujours aller lentement. C'est la lenteur qui est le secret. Bon, c'est en fait, ça n'est pas faux. Je dirais que Tocqueville s'inspire du modèle de son arrière-grand-père Malesherbes, dont il a toujours dit que, au fond, c'était sa référence permanente. Malesherbes, c'est pas seulement celui qui a défendu Louis XVI. C'est aussi celui qui a défendu le peuple, c'est celui qui a permis la publication de l'encyclopédie, hein, puisqu'il était directeur de la librairie, donc chargé de la police de la librairie. Et c'est aussi celui qui a défendu l'idée que le roi ne pouvait pas imposer des impôts sans aucune consultation de différentes instances. Donc, il part de cette existence, certes limitée, voyez, mais d'une liberté parlementaire. Et comment faire dans le monde contemporain, dans le monde qui était son contemporain ? Eh bien, la solution, c'est l'éducation de la démocratie, qui va passer notamment par le système représentatif. Tocqueville, fondamentalement, il est contre le pouvoir vertical. C'est quelqu'un qui pense l'implication progressive de tous à travers des systèmes représentatifs. Et alors, on en a la preuve. Bon, on peut se demander pourquoi un grand écrivain a passé finalement à peu près 15 ans de sa vie à répondre aux sollicitations de ses électeurs, à aller se promener dans la campagne pour voir ce qu'ils pensaient, etc. Parce qu'il est député, mais il est cumulard. Il est aussi conseiller général et il est président de conseil général pendant plusieurs années. Et pourquoi est-ce important pour lui ? Parce que ce sont les travaux pratiques de la démocratie. C'est là que, comme aux États-Unis, on apprend, comme il dit, c'est aux États-Unis, la commune est l'école primaire de la liberté. Eh bien, d'une certaine façon, les cantons, ce sont les écoles primaires de la liberté pour la France. C'est le moment, Françoise Mélogneau, d'écouter le texte, le texte le plus célèbre de la démocratie en Amérique, ce texte dans lequel Alexis de Tocqueville imagine ce qui pourrait se passer dans le pire des cas. Je veux imaginer sous quel trait nouveau le despotisme pourrait se produire dans le monde. Je vois une foule innombrable d'hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs dont ils remplissent leur âme. Chacun d'eux retiré à l'écart, et comme étranger à la destinée de tous les autres. Ses enfants et ses amis particuliers forment pour lui toute l'espèce humaine. Quant aux demeurants de ses concitoyens, il est à côté d'eux, mais il ne les voit pas, il les touche et ne les sent point. Il n'existe qu'en lui-même et pour lui seul. Et s'il lui reste encore une famille, on peut dire du moins qu'il n'a plus de patrie. Au-dessus de cela s'élève un pouvoir immense et tutélaire, qui se charge seul d'assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l'âge viril. Mais il ne cherche au contraire qu'à les fixer irrévocablement dans l'enfance. Il aime que les citoyens se réjouissent pourvu qu'ils ne songent qu'à se réjouir. Il travaille volontiers à leur bonheur. mais il veut en être l'unique agent et le seul arbitre. Il pourvoit leur sécurité, prévoit et assure leurs besoins, facilite leurs plaisirs, conduit leurs principales affaires, dirige leur industrie, règle leur succession, divise leurs héritages. Que ne peut-il leur ôter entièrement? Le trouble de penser et la peine de vivre. C'est ainsi que tous les jours, il rend moins utile et plus rare l'emploi du libre arbitre, qu'il renferme l'action de la volonté dans un plus petit espace, et dérobe peu à peu à chaque citoyen jusqu'à l'usage de lui-même. L'égalité a préparé les hommes à toutes ces choses. Elle les a disposés à les souffrir, et souvent même à les regarder comme un bienfait. C'était donc le texte le plus connu, je crois qu'on peut le dire, hein, Françoise Mélogneau, de La démocratie en Amérique d'Alexis de Tocqueville, volume 2, quatrième partie, chapitre 6, quelle espèce de despotisme les nations démocratiques ont à craindre. Alors c'est très intéressant ce texte parce qu'il est vraiment divisé en deux parties. Hein. C'est vraiment, on est dans l'imagination de Tocqueville plongée dans sa tête. Voici ce qu'il craint. D'un côté, une foule innombrable d'hommes semblables et les égaux. Et de l'autre, au-dessus de cette foule, un pouvoir immense et tutélaire. Alors pour ma part, Françoise Mélogneau, j'ai toujours interprété le despotisme démocratique comme vraiment le régime, l'état social, ce moment où en fait l'état social est corrompu par ses propres mœurs, hein, individualisme, amour des richesses, inquiétude, repli sur soi. Et finalement, ce qui compte tout autant, c'est ce pouvoir immense et tutélaire, finalement ce pouvoir qui est concentré dans les mains d'un seul. Alors un seul, c'est pas forcément une personne unique, mais en tout cas qui surplombe cette masse. Oui, alors c'est effectivement le texte aujourd'hui le plus célèbre. Les contemporains ne s'y sont pas arrêtés du tout. Donc, mais c'est bizarre, pourquoi? Parce que justement c'était trop inédit. Oui, et puis au fond, comme le dit Tocqueville lui-même, il s'accommodait sans doute. Les contemporains s'accommodaient assez bien de cet état. C'est pour ça que Tocqueville dit il faut mettre la peur du côté de la liberté, parce que somme toute, cet état administratif et tutélaire fait plutôt consensus chez les citoyens. Alors c'est un texte qui a dû sa fortune récente en partie à ce qu'on en a fait un texte prophétique parfois du totalitarisme. Raymond Aron notant très justement que ça n'est pas le totalitarisme, lequel n'est nullement ni doux, ni prévoyant, ni quoi que ce soit de sympathique de cet ordre. Raymond Aron remarque justement que dans cette critique de l'État-providence et de l'État administratif, il y a quelque chose d'un petit peu déplaisant, puisqu'au fond, on a l'impression que ce que Tocqueville critique, c'est aussi l'aide sociale. Bon, pour Tocqueville, il est clair que s'il n'est pas contre l'aide sociale, et on en reparlera, clairement, la liberté et l'autonomie des citoyens est plus importante à ses yeux. Alors dans ce texte, c'est un tableau de pensée. Je veux imaginer. Il vient de dire juste avant qu'il n'y a pas de mots pour dire cette chose nouvelle. Donc comme il n'y a pas de mots, il faut faire voir. Et il faut faire voir quelque chose qui n'existe encore qu'imparfaitement. Et qui rassemble tous les chapitres antérieurs, puisqu'il y a à la fois la reprise de tout le thème de l'individualisme, de goût du bien-être, etc. Et puis le basculement vers une forme de servitude inaperçue des individus, hein, dont ils s'accommodent bien. Alors, la difficulté avec la pensée de Tocqueville, c'est que ça a l'air d'un texte très abstrait. Un des commentateurs du 19e dit Tocqueville, il s'époussette, c'est comme quand on entre dans une maison, on ôte la poussière de ses vêtements, il s'époussette de tous les faits. Et donc, il n'y a que des références indirectes, si vous voulez, à son temps. Mais elles sont très nombreuses. Lorsqu'il dit « il conduit leurs principales affaires, dirige leur industrie », oui, c'est la période où l'État se mêle de la construction des chemins de fer et de l'exploitation des mines. Il règle leur succession. La Révolution française a aboli le droit d'aînesse, même si pratiquement la Restauration on a rétabli l'usage pour les nobles en 1826. Ils divisent leurs héritages. Donc, vous voyez, je veux dire, il y a bien une série d'allusions qui sont tout à fait contemporaines. Mais on va au-delà. On va vers ce que pourrait devenir cet état administratif qui est favorisé aussi par le progrès de la science administrative. Et ce qui compte, ça n'est pas, à ce stade-là, dans ce que nous voyons ici, ça n'est pas qu'il y ait un seul titulaire du pouvoir. Finalement, il peut y en avoir, Tocqueville dit, il peut y avoir un compromis entre l'élection de députés, et même, pourquoi pas, d'un président dans le régime républicain, et puis cet État administratif. Ça n'est pas contradictoire. On peut avoir une tête libre sur un corps esclave ou servile. Hein. Et donc, vous voyez, c'est une projection de ce que nous avons vu, c'est-à-dire l'extension des prérogatives de l'État central à toute une série de domaines. Ici, il ne parle pas de l'éducation, hein, mais Tocqueville est un partisan de la liberté de l'enseignement, sous contrôle de l'État, mais de la liberté de l'enseignement. Mais on a du mal à comprendre, Françoise Mélogneau, ce qui est assez clair dans ce texte, c'est qu'il y a vraiment un mouvement concomitant entre des individus qui délaissent l'espace public, l'exercice de leur liberté politique, et de l'autre, un pouvoir étatique, en tout cas administratif, qui prend de plus en plus de place, qui, justement, chaque individu étant replié sur lui-même et ne supportant pas, en vertu de l'égalité, l'autorité d'un autre, s'en remet à un état impersonnel. Ça, on comprend bien ce double mouvement. Mais ce qu'on comprend moins, en revanche, c'est que, justement, comment cet amour de l'égalité permet aux individus de supporter ce pouvoir immense et tutélaire, et qui donc les dépasse. L'amour de l'égalité, nous a dit Tocqueville, leur fera supporter l'égalité même dans la servitude. Est-ce que c'est là qu'on retrouve ça ? Oui, au fond, Tocqueville reprend la question de la Boétie. C'est comment peut-on penser une servitude volontaire ? C'est d'ailleurs tout à fait intéressant de voir que, à l'époque de Tocqueville, en 1835, Lamennais, devenu libéral, republie le discours de la Boétie. Hein, et que ce discours, eh ben, on va le retrouver commenté par Claude Defort, par Abinsour, par Marcel Gaucher, etc. Et donc c'est cette question. Qu'est-ce qui fait que les peuples, comme dit la Boétie, s'allèchent à la servitude, hein? Pourquoi prennent-ils... Alors, la force de Tocqueville, c'est de montrer qu'au fond, c'est un processus qui n'est pas un processus volontaire chez les citoyens. On ne se dit pas volontairement je vais abandonner ma liberté politique. Non, mais chacun y trouve son intérêt particulier. Et dans un texte de l'Ancien Régime, Tocqueville qui continue à creuser cette idée, pourquoi est-ce que très tôt dans la tradition française on est allé s'en remettre à l'État, dit finalement où tous les Français se peuvent-ils se retrouver, quelles que soient les divisions de classe, etc. Eh bien, ils se retrouvent dans les cartons de demandes, de passe-droit, de recommandations, etc. C'est-à-dire finalement, chacun trouve son intérêt à ce que l'État-providence vienne l'aider, puisque l'État-providence est puissant et que chaque individu est faible. Et donc c'est un mécanisme, si vous voulez, qui n'est pas perçu comme une perte de la liberté dans un premier temps, qui est perçu comme un avantage particulier qu'on va tirer de la présence de l'État. Et, dit Tocqueville, les gouvernements étant toujours aussi coquins qu'ils peuvent l'être, hein, eh bien les administrateurs font la même chose, c'est-à-dire que spontanément, eux, ils cherchent à centraliser pour accroître leur pouvoir. Que fait un fonctionnaire ? Il cherche à avoir plus de pouvoir. Et donc, l'attitude des citoyens, plus cette tendance des administrateurs à vouloir plus de pouvoir, se conjugue pour que ce pouvoir se renforce sans arrêt. Le gouvernement de Front populaire est constitué. Parmi les projets dont il annoncera le dépôt immédiat figurent la semaine de 40 heures, les contrats collectifs, les congés payés, c'est-à-dire les principales réformes réclamées par le monde ouvrier. Partir, c'est la première joie qu'apportent les vacances aux citadins prisonniers toute l'année de leurs tâches, de leurs soucis, des conventions. À la plage, parents et enfants vivent sur un pied d'égalité. Ceux-ci jouissent d'une indépendance presque complète et les parents se sentent tellement rajeunis. Les vacances payées, accordées par notre gouvernement, ont rendu cette année aux plages de France toute leur animation d'autrefois. C'était une archive d'abord de Léon Blum de juin 1936 du ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones, et puis ensuite une archive du 20 juin 1936 de chez Paty. On entend justement la découverte des congés payés par les Français, ce qui résonne bien finalement avec le texte qu'on a entendu juste avant, Françoise Mélogneau, quand Tocqueville s'inquiète en fait de ce pouvoir immense et tutélaire qui travaille volontiers au bonheur des individus, qu'il veut pourvoir à leur sécurité, prévoir leurs besoins, faciliter leurs plaisirs, conduire leurs principales à faire. Est-ce que Tocqueville n'a pas confondu intervention de l'État, pouvoir administratif, avec socialisme ? Alors, il considère en tout cas le socialisme est le rejeton de la centralisation administrative telle qu'elle a été formée d'abord sous l'Ancien Régime et ensuite sous l'Empire. Et d'ailleurs, il se pose déjà la question qui va être reprise dans la tradition sociologique, pourquoi n'y a-t-il pas de socialisme aux États-Unis ? Il n'y a pas de socialisme aux États-Unis parce qu'il n'y a pas non plus cette éducation à la puissance de l'État. Et donc, ce que reprend le socialisme, enfin, bon, Tocqueville n'est pas idiot, il sait bien que tous les socialismes ne sont pas pareils, et que Proudhon n'est pas un centralisateur absolu, mais disons que pour lutter contre le socialisme en 1848, il va faire une espèce d'amalgame sur l'ensemble des socialismes. Ce qu'il voit bien, c'est comment le socialisme, notamment celui qui invente les ateliers de travail, etc., hérite finalement de cette croyance que l'État doit intervenir dans l'ensemble des aspects de la vie sociale. Alors, la question qui se pose tout de suite, c'est de savoir, est-ce que cela signifie que dans sa pensée, il n'y a plus d'intervention publique ? Est-ce que la lutte contre le socialisme peut être finalement la totalité d'une pensée du social. Lorsque Hayek, le philosophe américain, intitule un de ses ouvrages « La route de la servitude », il reprend en fait une expression de Tocqueville dans un discours contre le socialisme de 1848. Alors je pense que la pensée de Tocqueville, elle est plus compliquée. C'est ce que dit Claude Lefort, c'est une pensée de la complication, mais c'est véritablement une pensée de la complication. Il n'est pas juste anti-socialiste, pensée du social. Il n'est pas juste anti-socialiste. Et en particulier, alors il y a un texte de l'Ancien Régime qui est très net là-dessus. Donc l'Ancien Régime et la Révolution, c'est l'autre texte après la démocratie en Amérique qu'il a publié donc des années plus tard, en 1856. On a juste le premier volume, puisque Tocqueville va mourir en 1859. Donc effectivement, c'est un ouvrage inachevé, mais sur lequel il travaillait depuis la fin de la démocratie en Amérique. Alors, il a d'abord publié un premier tome sur l'Ancien Régime, et puis normalement c'était uniquement le chapitre introductif d'un ouvrage sur la Révolution qu'il n'a jamais écrit. Mais en fait, ce qu'il fait en 1856, c'est comme ce qu'il fait en 1840, c'est reprendre les mêmes questions avec une expérience nouvelle, qui est celle de la Seconde République et de l'avènement du Second Empire, reprendre la même question et se demander si ces réponses sont pertinentes. Et il va creuser ce que nous sommes en train de voir précisément, c'est-à-dire l'état administratif et le risque que on glisse de cet état administratif tutélaire à un césarisme tout court, qui sera complètement oppressif. Or, que dit-il en réfléchissant sur ce qu'a été le socialisme en 1848 et puis le rétablissement de l'ordre? Je vous lis ce passage que je trouve tout à fait extraordinaire. « Société démocratique, charité légale, deux choses qui se tiennent. Il arrive souvent que les citoyens riches des pays démocratiques n'aperçoivent point cette vérité et que dans les craintes que leur causent les besoins des pauvres et les passions détestables que ces besoins font naître, ça c'est pour les socialistes, ils appellent à leur aide un maître qui, tout en les opprimant, les rassure. Mais j'ose leur prédire qu'en sacrifiant ainsi leur liberté à l'égoïsme et à la peur, ils n'auront pas mis leur bourse hors d'atteinte. Car de toutes les sociétés nouvelles, celles qui peuvent le moins se passer de la charité légale, ce sont précisément les sociétés démocratiques où la liberté n'existe pas. Car ce maître, quel qu'il puisse être, voulant à son tour se protéger des révolutions, leur imposera cette même taxe des pauvres qu'ils n'ont pas voulu voter librement. » Donc, finalement, si vous voulez, dans une société démocratique, dans la mesure même où les individus sont très faibles, et donc exposés à des crises économiques qui les privent absolument de tout moyen d'existence, on ne peut pas éviter d'avoir une forme d'intervention publique. Donc, la question, c'est de savoir à quel niveau il faut faire cette intervention publique. Sur quelles questions ? Sur quelles questions et par quelles instances ? Pour une part, ça peut être des instances nationales. Question de limitation du temps de travail, des choses de genre. Mais pour une large part, ça peut être soit par les collectivités territoriales, soit par des associations philanthropiques. Et donc, la question n'est pas d'éliminer toute intervention collective, elle est de trouver le bon niveau et d'éviter de créer de l'assistanat, c'est-à-dire donner une aide qui rende les gens autonomes et la donner haut niveau qui va permettre de rendre ces gens autonomes. D'où l'importance de la décentralisation et d'où l'importance aussi en fait de garder un État, mais j'imagine sur des sujets qui concernent la nation et non pas sur des sujets administratifs. Ça, c'est vraiment, faut vraiment s'arrêter là-dessus. Je pense, Françoise Meloniaux, insister sur le fait que Tocqueville critique, on parle souvent de Kafka comme critique de la bureaucratie et de l'administration absurde, mais en fait chez Tocqueville, on trouve déjà ces textes-là. Oui, tout à fait. Et c'est une tradition ancienne. C'est précisément ce qu'il va trouver en 1856 dans le passé. Il le voit comme conseiller général, il va le retrouver dans le passé. Pour faire une route, il faut remonter à Paris. Pour réparer le clocher de l'église, il faut remonter à Paris. Et donc, au fond, c'est ça qui est en question. C'est cette façon dont les individus sont privés de leur capacité de décision. Et il remarque quelque chose qui est très paradoxal. Les citoyens ont le droit de voter, bon, pas beaucoup sous la monarchie de Juillet, c'est très censitaire, mais au suffrage universel sous la Seconde République, et ils pensent que le suffrage universel est finalement le seul fondement possible. Bon, ils pensent qu'il faut y arriver doucement, ça c'est le défaut de Tocqueville, ils pensent tellement qu'il faut aller doucement que par moments on ne bouge plus du tout, mais enfin une fois qu'on a avancé, on ne recule plus. Donc la question, si vous voulez, c'est de savoir comment on va décider ensemble. Je prends un exemple. Dans le texte sur le despotisme administratif ici, il nous parle de l'État qui dirige les industries. Et il pense notamment au chemin de fer, grande époque de construction des chemins de fer, à partir des années 1840-1850. Que va faire Tocqueville quand il est président de Conseil général? Il s'agit de construire le chemin de fer Paris-Cherbourg. C'est déterminant pour l'avenir économique de la région. Et bien, ce qu'il promeut, c'est une subvention par le Conseil. S'il y avait des entreprises privées qui pouvaient le faire, ça serait parfait. Mais comme c'est déficitaire, aucune entreprise privée ne se manifeste. Donc, comment faire un aménagement du territoire si ça ne peut pas être le privé? Eh bien, le Conseil général vote une subvention que l'État pourra abonder. Donc, vous voyez, la question est de savoir d'où vient finalement cette initiative. Et la différence, c'est qu'au niveau local, les citoyens prennent leur part. Et Tocqueville a cette remarque que finalement le vote que nous avons pour voter pour les parlementaires au niveau national ou pour voter pour le président de la République sous la Seconde République, c'est un vote qui a l'inconvénient de n'arriver que rarement et pour les très grandes choses, alors que nous sommes privés de notre pouvoir pour les petites choses. Et la démocratie, dit-il, c'est d'abord dans les petites choses et l'oppression, c'est d'abord dans le détail. Et donc tout l'enjeu, c'est que le vote étant certes absolument nécessaire, mais clairement insuffisant, n'empêchant pas une verticalité du pouvoir, à ce moment-là, ce qui va compter, c'est l'usage de la liberté pour gérer nos propres affaires, gérer l'enseignement, gérer les chemins de fer en partie, gérer l'aide sociale. Le danger de la liberté antique était qu'attentif uniquement à s'assurer le partage du pouvoir social, les hommes ne fissent trop bon marché des droits et des jouissances individuelles. Le danger de la liberté moderne, c'est qu'absorbés dans la jouissance de notre indépendance privée et dans la poursuite de nos intérêts particuliers, nous ne renoncions trop facilement à notre droit de partage dans le pouvoir politique. Les dépositaires de l'autorité ne manquent pas de nous y exhorter. Ils sont si disposés à nous épargner toute espèce de peine, excepté celle d'obéir et de payer. Ils nous diront « Quel est au fond le but de vos efforts, le motif de vos travaux, l'objet de toutes vos espérances, n'est-ce pas le bonheur ? Eh bien, ce bonheur, laissez-nous faire, et nous vous le donnerons. » Non, messieurs, ne laissons pas faire. Quelque touchant que ce soit, un intérêt si tendre. Prions l'autorité de rester dans ses limites. Qu'elle se borne à être juste, nous nous chargerons d'être heureux. Pourrions-nous l'être par des jouissances si ces jouissances étaient séparées des garanties? Où trouverions-nous ces garanties si nous renoncions à la liberté politique? Y renoncer, messieurs, serait une démence semblable à celle d'un homme qui, sous un prétexte qu'il n'habite qu'un premier étage, prétendrait bâtir sur le sable un édifice sans fondement. On a fait une infidélité cette semaine à Tocqueville. C'est la seule infidélité. On vient d'entendre un texte de Benjamin Constant. C'est un discours de la liberté des anciens comparé à celle des modernes, discours prononcés à l'Athénée Royal de Paris en 1819. Ce discours est vraiment un texte incroyable, il faut le dire, Françoise Mélogneau. Il permet de comprendre vraiment une certaine, tout un ensemble en fait de la philosophie politique, notamment de cette période-là, qui se fonde sur cette distinction entre liberté politique, c'est-à-dire qui concerne vraiment la vie en communauté, les citoyens, et puis les libertés individuelles qui, là, concernent la sphère privée et les jouissances privées. C'est quand même une distinction qui nous permet de comprendre la pensée de Tocqueville, mais qu'on ne retrouve pas en tant que telle chez Tocqueville, puisque le véritable danger pour Tocqueville, c'est qu'il n'y ait plus du tout de liberté politique et que les recherches des libertés individuelles ne suffisent pas à ça. C'est-à-dire que chez Benjamin Constant, les libertés individuelles sont insuffisantes, il ne faut pas laisser tomber les libertés politique. Chez Tocqueville, c'est beaucoup plus radical. Oui, tout à fait. Il y a une grosse différence. Entre les deux, il y a la pensée de la démocratie. Constant n'est pas dans la pensée de la démocratie. Constant est un libéral qui pense encore dans le cadre d'une société hiérarchique. Ce qu'ils ont de commun, quand même, ce qui est frappant, si vous voulez, bon, je ne suis pas sûre du tout que Tocqueville ait jamais lu ce texte. Il cite très peu Benjamin Constant. Une des caractéristiques de ce qu'on appelle la pensée libérale au XIXe siècle, c'est que ça n'est pas une pensée libérale, en fait. Chaque génération redémarre un peu pour son propre compte. Ce qu'ils ont de commun, c'est l'idée que les sociétés démocratiques sont des sociétés commerciales, des sociétés où on recherche le bien-être et où le point central, c'est l'individu. Et Tocqueville défend aussi la liberté de l'individu. Ce qu'ils ont de commun aussi, c'est de considérer que le modèle antique dans lequel les citoyens sont absorbés à l'intérieur de la cité est un modèle qui doit être évité. Et les deux, enfin, ce que Constant pense sous mode liberté antique, c'est la récupération de cet idéal par les révolutionnaires français. Constant, ici, c'est un texte polémique. Il s'agit naturellement de penser la révolution. Donc, ils ont ceci en commun. Et ils ont en commun aussi l'idée de la garantie, c'est-à-dire que le terme figure chez Constant, il figure aussi beaucoup chez Tocqueville, c'est le grand thème libéral. Il faut protéger l'individu des emprises excessives de l'État. Et ce que je trouve passionnant, c'est que ce qui vient sous leur plume, c'est le renversement de l'idée théologique du bon berger ou du bon pasteur. Que prétend faire l'État ? L'État prétend être le bon pasteur, comme le roi ou le père dans la pensée théologique. Or, en fait, ce bon pasteur, il a l'apparence de la tendresse, mais il renverse. En fait, c'est une tendresse qui est une tendresse oppressive. Est-ce qu'on peut préciser quand même ce qu'on entend véritablement par liberté politique chez Tocqueville ? On l'a entendu, il y a véritablement cet investissement de l'espace public. Il parle beaucoup d'associations, de l'importance de la presse, du fait de se retrouver. Mais est-ce que pour nous, aujourd'hui, c'est si évident que ça, cette compréhension de l'association ? Qu'est-ce qu'il faut entendre par là ? Alors, le mot association au XIXe siècle, il désigne toutes sortes de choses. Les socialistes, par exemple, parleront d'association nationale. Ce qu'il entend par association, ça peut être ce qu'il appelle association politique, ce qui est principalement les partis, bon, qui dans la France du XIXe siècle n'existent que sous la forme de réunions très, très informelles. Ça peut être les associations intellectuelles, ça peut être les associations philanthropiques, etc. Donc c'est une multitude de choses. Et au fond, ce qu'il cherche, c'est un émiettement de la souveraineté avec des cantons. Bon, il parle moins des communes parce qu'elles sont toutes petites en France, mais l'équivalent de la commune américaine, c'est plutôt le canton. Ce sont les collectivités territoriales, mais ce sont aussi les associations philanthropiques. Voilà, ça peut être toutes sortes de choses. Je dirais que la différence avec Constant, c'est que Constant voit bien qu'il n'y a pas de garantie de l'individu s'il n'y a pas un exercice des droits politiques. Simplement, Constant pense que cet exercice des droits politiques, ça va être une minorité de gens plus savants qui vont l'exercer. Alors que pour Tocqueville, finalement, l'appel, c'est à ce que le maximum de gens rentrent dans cet exercice de la responsabilité collective. Et par exemple, est-ce quand on se retrouve avec des amis pour discuter des élections à venir, c'est-à-dire des sortes d'associations associations, on pourrait dire privées. Est-ce que ça fait partie de l'espace public et d'une manière de réinvestir sa liberté politique? Ou est-ce que c'est juste une conversation qui appartient au domaine privé? Et dans ce sens-là, la liberté individuelle est quand même le socle d'une forme quand même d'intérêt à la chose publique. Il y a deux garanties fondamentales pour Tocqueville. Il y a d'une part, effectivement, le débat. Et la presse, c'est la forme du débat. C'est la forme du débat dans lequel chaque individu peut lire ses journaux, donc s'informer, faire circuler des informations. Tocqueville y était très attaché, y compris à la presse locale, à laquelle non seulement il s'abonnait, mais il donnait de l'argent, aux réunions, etc. Et si vous voulez, au fond, ce qui compte, il est déjà dans cet univers, ce qui compte, c'est la délibération. C'est le fait de pouvoir discuter ensemble. Vous voyez. Donc, quel que soit en fait le niveau de où a lieu cette discussion, ça peut être dans un parlement, au café ou chez soi. Oui, alors évidemment, pour que ça ait une certaine efficacité, il faut quand même que ça prenne de l'ampleur. Donc, si vous êtes juste dans votre appartement enfermé à quelques-uns, l'efficacité sera peut-être limitée. Donc, du coup, la presse, si vous voulez, ou la publicité, au sens 19e siècle, c'est-à-dire ce qui est dans l'espace public, est très important. Ça ne suffit pas. Tocqueville était un magistrat. Et au fond, c'est un magistrat et un juriste. Et pour lui, il est absolument indispensable qu'il y ait des garanties judiciaires. Et c'est précisément ce qui, en France, et d'une façon générale sur le continent européen, est peu satisfaisant. Aux États-Unis, vous avez un contrôle de constitutionnalité. Bon, ça, c'est d'un usage essentiel, mais enfin pas hyper fréquent. Et vous avez aussi cette pratique qui consiste à ce que l'État puisse être assigné en justice devant des tribunaux ordinaires. Alors que la France, de façon embryonnaire sous l'Ancien Régime, mais par contre organisée depuis l'Empire, à des tribunaux spéciaux devant lesquels l'État va, et donc il n'est pas du tout dans la situation du citoyen ordinaire. Tocqueville a la plus grande méfiance pour le Conseil d'État, lequel a une pratique plutôt libérale après Tocqueville, donc il s'est racheté, si je puis dire. Mais comme tous les libéraux, il est très méfiant. Et donc il faut des garanties judiciaires de façon à ce que le plus faible puisse se défendre. Et il faut la presse, parce que la presse, c'est aussi une façon de se défendre. Françoise Mélogneux, j'aimerais vous faire écouter une dernière archive. Lorsque j'ai été élu président de la République, en mai 1974, lorsque je suis venu 8 jours plus tard, encore étourdi par la lumière des Champs-Élysées et par la joyeuse rumeur populaire, passé ma première soirée à l'Élysée, j'ai posé sur la table de nuit du Mobilier National le livre des souvenirs de Tocqueville. Sa pensée et son action ne sont compréhensibles que pour ceux qui sont authentiquement libéraux. Avec l'expérience du pouvoir, on les distingue du premier coup d'œil. Ce sont ceux qui, lorsqu'ils parlent de liberté, pensent d'abord à celle des autres. C'était de la voix de Valérie Giscard d'Estaing, Françoise Mélogneux. C'était le 6 décembre 1980. Et il avait donc le livre des souvenirs sur sa table de chevet. Question très rapide à laquelle vous devez répondre très rapidement. Est-ce qu'il y a un homme politique aujourd'hui qui se rapproche le plus de Tocqueville? Et sinon, à quoi devrait-il ressembler? Alors, il me semble qu'au moment de l'élection du président Giscard d'Estaing, la revue des Deux Mondes titrait Tocqueville au second tour. Clairement, on a revendication. Je ne crois pas qu'il y ait un courant politique qui soit propriétaire de la pensée de Tocqueville. Et donc, aucun homme aujourd'hui politique n'incarne véritablement Tocqueville. On est quand même dans des temps qui sont un petit peu différents. C'est toujours difficile de déclarer anachroniquement. Je pense que c'est un objectif que tout le monde doit partager. C'est relativement difficile de savoir qui l'incarne le mieux. Merci beaucoup Françoise Mélogneux. De vous, on peut lire donc coécrit avec Charlotte Manzini l'abécédaire d'Alexis de Tocqueville aux éditions de l'Observatoire, Alexis de Tocqueville aux éditions de l'Institut français, Naissance et affirmation d'une culture nationale, la France de 1815 à 1880 aux éditions Point, et enfin toutes les publications de Tocqueville aux éditions Gallimard. Merci beaucoup. Ladies and gentlemen, you could have been anywhere in the world tonight, but you're here with us in New York City. Are you ready for a cabinet meeting, huh? The issue on the table, Secretary Hamilton's plan to assume state debt and establish a national bank. Secretary Jefferson, you have the floor, sir.